Le combat, y'a trop de gens qui parlent, mais qui ne font pas. Pour apporter cette jour de vie, même si on vit un combat. On n'est pas né hier, t'es mon poste, mais dès qu'il y a gratte ailleurs, tu vas comme une grosse pute, hein. Salope, hein. Tu laisses ton pote seul. Et là, je débute des bas, évite ton début des bas. Je déboule comme des balles sur scène dans la foule, y'a tout mon ticard. Ta routine, tu naufragé. Je te connais pas la peine par les crochets rapides à la naufragée. Toujours plus fort, pas trop le taré. Barrage de flics, je baisse la zic, je fais trop le serein quand il m'arrête. Je fais jamais le fou, même quand il bouille. Surtout si mon pote a des barrettes, on donne l'alerte, oulala. On mène des vies de fou malade. Zoom par la mort à Pespide, il est pas mou comme tout l'allant. Jaloux, nique, tout est mort, MC dans la zic, je te dévore. Je suis au village avec ma clique, je boite la deal, y'a dehors. 12 fins de dollars, tiens bien le béton, je te fais des trous, on met des coups, savoir qui sera au pêche, tu finis sous des trous, vous êtes des fous, vous. Même encore, je suis tenté de voler. En soirée, prenne pour un plouc, si t'as pas le billet violé, zonard. Si t'as pas le garçon, tu vis dans le buisson, demande à Nadif, la valade en pique, Poutico, suivi par les flics. Grins, si à KTS, tu feras pas la loque, pas celle du bloc et coco, y'a que ça pour rembourser la loque, bande de Togo. Plus tard, y'aura que les souvenirs et les photos. Si tu tentes ton boule, ça te prendra en soto. De bla, bla, bla, de t'inquiète, moi je suis là, là, là. Mais en fait, y'a des gains. Donc je fais confiance à des gueules. Vous êtes plein de bla bla bla. De t'inquiète, moi je suis là là là. Mais en fait y'a des gueules. Donc je fais confiance à des gueules. Allez tout salaud, slalom ça évite les salauds. Garros sur l'oreille, ça fait des pompes, ça finit KO. J'ai zoné jour et nuit à voir les gens faire les ronds. Je cours, cours sur terre-terre quand je vois les six faire des ronds. Faut pas traîner mec, amène-les. RDV au bis, trop dégravé sur les foutres. Sur le sourcil à la obis, bon je bise. J'ai même pas pompé une paire de pire que je vire mal. Et à dire que quand t'es petit y'a moins de soucis. Ça sent moins le roussi, ça part moins de ouzi. Ça se bat pas pour de la musique. Olé, olé, olé mais j'vous salue. Pas trop chaud mais les gars, la droga elle vous a eu. Pas la pute pute quand tu finis à l'audition. Dans tous les cas tu sais que tu vas payer l'addition. T'es sourd ou t'es sourd, tu me dégoûtes pas là-bas. T'as pas la frousse mais en douche, t'as pas ni à la barre. Je sais qu'il faut que tu me manes, que j'évite les mythomanes. Prends ton produit, vends-le mais ne me fais pas le toxicomane. Tiens ici coup mais tu tires pas, une folle mais tu la baisses pas. Une bouteille mais tu la tombes pas, des ennemis mais tu les zingues pas. Une vieille pas me dire moi, je suis un voyou. J'ai baisé lui, j'ai baisé l'autre et j'ai vendu des cailloux. Vous êtes plein de bla bla bla. De t'inquiète moi je suis là là là. Mais en fait y'a des gueules. Donc je fais confiance à des gueules. Vous êtes plein de bla bla bla. De t'inquiète moi je suis là là là. Mais en fait y'a des gueules. Ça dégueule, à dégueule, plein de bla bla bla. Moi je suis là, là, là. Mais en fait, y'a des gueules. À dégueule, fais confiance à dégueule. À dégueule, mec, à dégueule. Et ouais, voilà, c'est pour acheter la gâchette facile. Voilà, Fabio, Bobette, Chico, Jule, le 3-5, on est là. Nique tout tes morts, tu viens pas au quartier, tu prends un coup de calibre. Mon fils de pute, où tu mets la matraque, hein. 5-4-5. Confiance à des gueules. Qui est là, qu'il n'y a pas un? À part ta famille et quelques heures. Viens voir au check, c'est la jungle. Ça dit poteau, ça fait des trous. C'est pour les vrais sous écrou. Pas les putes qui poupou. Ici, c'est rempli d'un chic. On se mélange pas, c'est la réplique. C'est le 3-5 clic. Vous êtes plein de bla bla.